d'Alger à Tunis. Sur les quais d'Alger, dans les rues des villages indigènes, dans les plaines du Tell, sur les montagnes du Sahel ou dans les sables du Sahara, tous ces corps drapés comme en des robes de moine, la tête encapuchonnée sous le turban flottant par derrière, ses traits sévères, ses regards fixes, ont l'air d'appartenir à des religieux d'un même ordre austère, répandus sur la moitié du globe. Leur démarche même est celle de prêtres, leurs gestes, ceux d'apôtres prêcheurs, leur attitude, celle de mystiques, pleins de mépris du monde. Nous sommes, en effet, chez des hommes où l'idée religieuse domine tout, efface tout, règle les actions, étreint les consciences, moule les cœurs, gouverne la pensée, prime tous les intérêts, toutes les préoccupations, toutes les agitations. La religion est la grande inspiratrice de leurs actes, de leur âme, de leurs qualités et de leurs défauts. C'est par elle, pour elle, qu'ils sont bons, braves, attendris, fidèles. Car ils semblent n'être rien par eux-mêmes, n'avoir aucune qualité qui ne leur soit inspirée ou commandée par leur foi. Nous ne découvrons guère la nature spontanée ou primitive de l'arabe, sans qu'elle ait été, pour ainsi dire, recréée par sa croyance, par le Coran, par l'enseignement de Mohammed. Jamais aucune autre religion ne s'est incarnée ainsi en des êtres. Allons donc les voir prier dans leur mosquée, dans la mosquée blanche qu'on aperçoit là-bas, au bout du quai d'Alger. Dans la première cour, sous une arcade de colonnettes vertes, bleues et rouges, des hommes, assis ou accroupis, causent à voix basse avec la tranquillité grave des orientaux. En face de l'entrée, au fond d'une petite pièce carrée qui ressemble à une chapelle, le cadi rend la justice. Des plaignants attendent sur des bancs. Un arabe, agenouillé, parle, tandis que le magistrat, enveloppé, presque disparu sous tous les plis de ses vêtements et sous la masse de son lourd turban, ne montre qu'un peu de visage et regarde le plaideur d'un œil dur et calme en l'écoutant. Un mur, où s'ouvre une fenêtre grillée, sépare cette pièce de celle où les femmes, créatures moins nobles que l'homme et qui ne peuvent se tenir en face du cadi, attendent leur tour pour exposer leur plainte par ce guichet de confessionnal. Le soleil, qui tombe en flots de feu sur les murs de neige de ces petits bâtiments, pareils à des tombeaux de marabouts, et sur la cour, où une vieille arabe jette des poissons morts à une armée de chats tigrés, rejaillit à l'intérieur sur les burnous, les jambes sèches et brunes, et les figures impassibles. Plus loin, voici l'école, à côté de la fontaine où l'eau coule sous un arbre. Tout est là, dans cette douce et paisible enceinte, la religion, la justice, l'instruction. J'entre dans la mosquée après m'être déchaussée et je m'avance sur les tapis au milieu des colonnes claires dont les lignes régulières emplissent ce temple silencieux, vaste et bas, d'une foule de larges piliers, car ils sont très larges, ayant une face orientée vers la Mecque, afin que chaque croyant puisse, en se plaçant devant, ne rien voir, n'être distrait par rien, et, tourné vers la ville sainte, s'absorber dans la prière. En voici qui se prosternent. D'autres, debout, murmurent les formules du Coran dans les postures prescrites. D'autres, encore, libres de ses devoirs accomplis, causent assis par terre le long des murs, car la mosquée n'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un lieu de repos, où l'on séjourne, où l'on vit des jours entiers. Tout est simple, tout est nu, tout est blanc, tout est doux, tout est paisible en ces asiles de foi, si différents de nos églises décoratives agitées quand elles sont pleines par le bruit des offices, le mouvement des assistants, la pompe des cérémonies, les chants sacrés, et quand elles sont vides, devenues si tristes, si douloureuses qu'elles serrent le cœur, qu'elles ont l'air d'une chambre de mourants, de la froide chambre de pierre où le crucifié agonise encore. Sans cesse, les Arabes entrent, des humbles, des riches, le portefaix du port et l'ancien chef, le noble sous la blancheur soyeuse de son burnou éclatant. Tous, pieds nus, font les mêmes gestes, prient le même Dieu avec la même foi exaltée et simple, sans pause et sans distraction. Ils se tiennent d'abord debout, la face levée, les mains ouvertes à la hauteur des épaules, dans l'attitude de la supplication. Puis les bras tombent le long du corps, la tête s'incline. Ils sont devant le souverain du monde dans l'attitude de la résignation. Les mains ensuite s'unissent sur le ventre, comme si elles étaient liées. Ce sont des captifs sous la volonté du maître. Enfin, ils se prosternent plusieurs fois de suite, très vite, sans aucun bruit. Après s'être assis d'abord sur leurs talons, les mains ouvertes sur les cuisses, ils se penchent en avant jusqu'à toucher le sol avec le front. Cette prière, toujours la même, et qui commence par la récitation des premiers versets du Coran, doit être répétée 5 fois par jour par les fidèles, qui, avant d'entrer, se sont lavés les pieds, les mains et la face. On entend, par le temple muet, que le clapotement de l'eau coulant dans une autre cour intérieure, qui donne du jour à la mosquée. L'ombre du figuier, poussé au-dessus de la fontaine aux ablutions, jette un reflet vert sur les premières nattes. Les femmes musulmanes peuvent entrer comme les hommes, mais elles ne viennent presque jamais. Dieu est trop loin, trop haut, trop imposant pour elles. On n'oserait pas lui raconter tous les soucis, lui confier toutes les peines, lui demander tous les menus services, les menus consolations, les menus secours contre la famille, contre le mari, contre les enfants, dont ont besoin les cœurs de femmes. Il faut un intermédiaire plus humble entre lui si grand et elle si petite. Cet intermédiaire, c'est le marabout. Dans la religion catholique, n'avons-nous pas les saints et la Vierge Marie, avocats naturels des timides auprès de Dieu? C'est donc au tombeau du saint, dans la petite chapelle où il est enseveli, que nous trouverons la femme arabe en prière. Allons les voir. La Zawiya Abderrahman El Takalbi est la plus originale et la plus intéressante d'Alger. On nomme Zawiya une petite mosquée unie à une kouba, tombeau d'un marabout, et comprenant aussi parfois une école et un cours de haut enseignement pour les musulmans lettrés. Pour atteindre la Zawiya d'Abderrahman, il faut traverser la ville arabe. C'est une montée inimaginable à travers un labyrinthe de ruelles emmêlées, tortueuses, entre les murs sans fenêtres des maisons mauresques. Elles se touchent presque à leur sommet, et le ciel, aperçu entre les terrasses, semble une arabesque bleue d'une irrégulière et bizarre fantaisie. Quelquefois, un escarpé comme un sentier, long couloir sinueux et voûté de montagnes, paraît conduire directement dans l'azur, dont on aperçoit soudain, au détour d'un mur, au bout des marches, là-haut, la tache éclatante, pleine de lumière. Tout le long de ces étroits corridors sont accroupis, au pied des maisons, des Arabes qui sommeillent en leur loques. D'autres, entassés dans les cafés morts, sur des banquettes circulaires ou par terre, toujours immobiles, boivent dans de petites tasses de faïence qu'ils tiennent gravement entre leurs doigts. En ces rues étroites qu'il faut escalader, le soleil tombant par surprise, par filets ou par grandes plaques, à chaque cassure des voies entrecroisées, jette sur les murs des dessins inattendus, d'une clarté aveuglante et vernie. On aperçoit, par les portes entrouvertes, les cours intérieures qui soufflent de l'air frais. C'est toujours le même puits carré qu'enferme une colonnade supportant des galeries. Un bruit de musique douce et sauvage s'échappe parfois de ces demeures, dont on voit sortir aussi souvent, deux par deux, des femmes. Elles vous jettent, entre les voiles qui leur couvrent la face, un regard noir et triste, un regard de prisonnière, et passent. Coiffées toutes, comme on nous représente la Vierge Marie, d'une étoffe serrée sur le crâne, le torse enveloppé du haïck, les jambes cachées sous l'ample pantalon de toile ou de calicot, qui vient étreindre la cheville, elle marche lentement, un peu gauche, hésitante, et on cherche à deviner leur figure sous le voile qui la dessine un peu en se collant sur les saillies. Les deux arcs bleuâtres des sourcils, joints par un trait d'antimoine, se prolongent au loin sur les tempes. Soudain, des voix m'appellent. Je me retourne, et par une porte ouverte, j'aperçois, sur les murs, de grandes peintures inconvenantes, comme on en retrouve à Pompéi. La liberté des mœurs, l'épanouissement en pleine rue d'une prostitution innombrable, joyeuse, naïvement hardie, révèle tout de suite la différence profonde qui existe entre la pudeur européenne et l'inconscience orientale. N'oublions pas qu'on a interdit dans ces mêmes rues, depuis peu d'années seulement, les représentations de caragousses, sortes de guignols obscènes et monstrueux, dont les enfants regardaient de leurs grands yeux noirs, ignorants et corrompus, en riant et en applaudissant, les invraisemblables, ignobles et inénarrables exploits. Par tout le haut de la ville arabe, entre les merceries, les épiceries et les fruiteries des incorruptibles mzabites, puritains mahométans que souille le seul contact des autres hommes, et qui subiront, en rentrant dans leur patrie, une longue purification, s'ouvrent tout grand des débits de chair humaine, où l'on est appelé dans toutes les langues. Le mzabite, accroupi dans sa petite boutique, au milieu de ses marchandises bien rangées autour de lui, semble ne pas voir, ne pas savoir, ne pas comprendre. À sa droite, les femmes espagnoles roucoulent comme des tourterelles. À sa gauche, les femmes arabes miaulent comme des chattes. Il a l'air, au milieu d'elles, entre les nudités impudiques peintes pour achalander les deux bouges, d'un fakir, vendeur de fruits, hypnotisé dans un rêve. Je tourne à droite par un tout petit passage qui semble tomber dans la mer, étalé au loin, derrière la pointe de Sainte-Gêne, et j'aperçois, au bout de ce tunnel, à quelques mètres sous moi, un bijou de mosquée, ou plutôt une toute mignonne zaouïa qui s'égrène par petits bâtiments et par petits tombeaux carrés, ronds et pointus, le long d'un escalier allant en zigzag de terrasse en terrasse. L'entrée en est masquée par un mur qu'on dirait bâti en neige argentée, encadré de carrelage en faïence verte et percé d'ouvertures régulières par où l'on voit la rade d'Alger. J'entre. Des mendiants, des vieillards, des enfants, des femmes sont accroupis sur chaque marche, la main tendue, et demandent l'aumône en arabe. À droite, dans une petite construction couronnée aussi de faïence, est une première sépulture, et l'on aperçoit, par la porte ouverte, des fidèles assis devant le tombeau. Plus bas, s'arrondit le dôme éclatant de la Kouba du marabout d'Abderrahman, à côté du minaret mince et carré d'où l'on appelle à la prière. Voici, tout au long de la descente, d'autres tombes plus humbles, puis celle du célèbre Ahmed, bey de Constantine, qui fit dévorer par des chiens le ventre des prisonniers français. De la dernière terrasse à l'entrée du marabout, la vue est délicieuse. Notre-Dame d'Afrique, au loin, domine Sainte-Gêne et toute la mer, qui s'en va jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel. Puis, plus près, à droite, c'est la ville arabe, montant de toit en toit jusqu'à la Zaouïa et étageant encore, au-dessus, ses petites maisons de craie. Autour de moi, des tombes, un cyprès, un figuier et des ornements mauresques encadrant et crénelant tous les murs sacrés. Après m'être déchaussé, je pénètre dans la Kouba. D'abord, dans une pièce étroite, un savant musulman, assis sur ses talons, lit un manuscrit qu'il tient de ses deux mains à la hauteur des yeux. Des livres, des parchemins sont étalés autour de lui sur les nattes. Il ne tourne pas la tête. Plus loin, j'entends un frémissement, un chuchotement. À mon approche, toutes les femmes accroupies autour du tombeau se couvrent la figure avec vivacité. Elles ont l'air de gros flocons de linge blanc où brillent des yeux. Au milieu d'elles, dans cette écume de flanelle, de soie, de laine et de toile, des enfants dorment ou s'agitent, vêtus de rouge, de bleu, de vert. C'est charmant et naïf. Elles sont chez elles, chez leur saint, dont elles ont paré la demeure, car Dieu est trop loin pour leur esprit borné, trop grand pour leur humilité. Elles ne se tournent pas vers la Mecque, elles, mais vers le corps du marabout, et elles se mettent sous sa protection directe, qui est encore, qui est toujours, la protection de l'homme. Leurs yeux de femme, leurs yeux doux et tristes, soulignés par deux bandeaux blancs, ne savent pas voir l'immatériel, ne connaissent que la créature. C'est le mâle qui, vivant, les nourrit, les défend, les soutient. C'est encore le mâle qui parlera d'elle à Dieu après sa mort. Elles sont là, tout près de la tombe, parée et peinturlurée, un peu semblable à un lit breton mis en couleur et couvert d'étoffes, de soieries, de drapeaux, de cadeaux apportés. Elles chuchotent, elles causent entre elles, et racontent aux marabouts leurs affaires, leurs soucis, leurs disputes, les griefs contre le mari. C'est une réunion intime et familière de bavardage autour d'une relique. Toute la chapelle est pleine de leurs dons bizarres, de pendules de toute grandeur qui marchent, battent les secondes et sonnent les heures, de bannières votives, de lustres de toutes sortes, en cuivre et en cristal. Ces lustres sont si nombreux qu'on ne voit plus le plafond. Ils pendent côte à côte, de tailles différentes, comme dans la boutique d'un lampiste. Les murs sont décorés de faïences élégantes, d'un dessin charmant, dont les couleurs dominantes sont toujours le vert et le rouge. Le sol est couvert de tapis, et le jour tombe de la coupole par des groupes de trois fenêtres cintrées, dont une domine les deux autres. Ce n'est plus la mosquée sévère, nue, où Dieu est seul. C'est un boudoir, orné pour la prière par le goût enfantin de femmes sauvages. Souvent, des galants viennent les voir en ce lieu leur donner rendez-vous, leur dire quelques mots en secret. Des Européens, qui parlent l'arabe, nouent ici, parfois, des relations avec ces créatures enveloppées et lentes, dont on ne voit que le regard. Lorsque la confrérie masculine du marabout vient à son tour faire ses dévotions, elle n'a point pour le saint habitant du lieu les mêmes attentions exclusives. Après avoir témoigné leur respect au sépulcre, les hommes se tournent vers la Mecque et adorent Dieu. Car il n'y a de divinité que Dieu, comme ils répètent en toutes leurs prières.